Je te l'avais dit, croyez pas. Hein. Je t'ai dit que j'irais te chercher même en Alaska. Viens là, viens là. C'est pareil comme Kaiser, c'est ça. Attends, tu comprends pas. Parlons peu, parlons bien. Tu me bois de l'oseille, combien? Flopé, me semble. Flip pas sur la, ça compte bien. Les longs billets, toujours c'est ce qui fait bander le peuple. Là qui vécu, fait que tout pouvoir décupe. On sait quand on en veut tous, alors on sait quand. Maïa, ça se gêne vite sur la crosse, c'est quand il est défoncé. Aucune règle n'est respectée. Tu retrouves des grands plans dans les cafards, les rats à moitié becté. Censé peser, on veut dépeser afin d'épuiser ton stock. Toutes sortes, ça pourrait être fonce, des croix rousées. Moi comme ça, c'est impossible, c'est comme la mission. Sauf ta mission est impossible. Allez, fais pas le con, crache la fraîche. Cesse de chanter, vite le fond de tes poches et racle tout en période de crise. Tu vas connaître l'exercuteur qui perd son côté. Sans pas selon le coup de persécuteur, c'est de faire chicoter. C'est ce que tu veux, donc c'est ce que t'auras. De ce que t'es là, pas à discuter, j'ai pas de ce qu'un truc qui compte à escroquer. De l'XP et de RT, fierté, heurté. C'est ta vie que je vais te faire avorter, tu me suis. Ouais, tu veux jouer la caïga, dis-toi aux règles. 1998, faut qu'on s'organise. Peu importe d'où tu opères, Lascar. Tu sors de ton repère, appelle tous tes compères, c'est sûr, faut qu'on coopère. Comme la brigade et Dallas, ensemble, sinon on perd. Les jeunes ignorent le respect exprès quand on se fait à leur aspect. L'esclave du passé et le moderne demeure un même suspect. Avant le maître marquait sa police comme une pute comme un cracole. Aujourd'hui les jeunes fuient la police comme ils désertent l'école. À court de modèle veulent être bandits, plutôt comme de loi. Ils ont du mal à vestir la casse prison, c'est comme au jeu de loi. C'est un caïd derrière les barreaux, ils sont comme des conquistadors. Alors que les maîtres est jugé bourreau comme des conquistadors. Sans issue dans les blocs, ils débloquent. Six hommes de Glock jouent les hommes et fuient comme des locs quand ils foutent une sœur en cloque. Sans père, ils niquent la vie, sans peur. L'unité se disloque. On ne peut battre l'ennemi si t'oppose à 10 hommes d'Iloc. Faut bâtir l'univers des Lascars. Avant qu'on crève comme des Lascars, faut qu'on s'organise, qu'on rate. Du prix Nobel à l'Oscar. On d'assaut le showbiz, la crève pour le grand saut. Le savoir est une arme, fils, mets de côté le jardin. Peu importe d'où tu opères, Lascar. Tu sors de ton repère, appelle tous tes compères. C'est sûr, faut qu'on coopère. Comme la brigade et Dallas, ensemble, sinon on si perd. Lascar, néglige rien, t'es pas à l'abri. Vu que les frères sont tous à bout et pour rien sont prêts à palabrer. Tu le sais, c'est pour rien, tu te fais balafrer. Et pour exactement la même raison, tu te prends une balle après. Y'a pas de logique, pas de logique dans cet univers. J'ai vu des gars comme Gulliver, costaud, mais qu'ont pas vu l'hiver. Lascar, faut tant d'esprit que testicule. Pour vivre dans cette ambiance, perdre ses frères et surtout rester cool. C'est vengeance et représailles partout dans nos quartiers. C'est la merde, mais faut que les refrains aillent. Mets de côté les coups d'hier. Chacune de nos histoires peut exploser comme une poudrière. Dans quel monde on vit, dans quel monde on est, à quel monde on spire, répondre quel que l'on se paie. Les anciens crament leur énergie, émerger l'état d'urgence. Car là on choisit les balades super, fin ambulance. Dans ce milieu pas de star, trop poster. Les gars qui a trop de sylvas, un coffre, tôt ou tard. On époque sa mère, dans cet univers, une belle merde. Beaucoup de sphères dans un speed, où se plomber, c'est aussi courant de dire merde. Les Lascars veulent l'Oscar du hardcore. Dans cet univers, y'a pas de détenteurs votants. Peu importe d'où tu opères, Lascar. Tu sors de ton repère, appelle tous tes compères. C'est sûr, faut qu'on coopère. Comme la brigade et Dallas tous ensemble, sinon on perd. Peu importe d'où tu opères, faut que tu sors de ton repère, appelle tous tes compères. C'est sûr, faut qu'on coopère. Comme la brigade et Dallas tous ensemble, sinon on perd. Peu importe d'où tu opères, Lascar. Tu sors de ton repère, appelle tous tes compères. C'est sûr, faut qu'on coopère. Comme la brigade et Dallas tous ensemble, sinon on perd. Lascar, sinon on perd.